te sens penser à moi. Comme un gars fait mal parce qu'un gars senti vous en dit dans moi. Encore moi. On peut même nous l'enlever aller. Même si on rencontre des problèmes. Pour faire l'amour, c'est pas facile. Sans bien que c'est l'amour qui toujours devant. Devant, devant. Tout le monde est ma coco. Tout le monde est ma coco. Amabe ma coco. Amabe ma coco. À gosse. À gosse. Tout le monde est ma coco. Tout le monde est ma coco. Amabe ma coco. Amabe ma coco. À gosse. L'ambigé là c'est bouc à sortir. Ma malade, oh, allez dormir, dormir dehors là. Ma malade, l'ambigé là c'est bouc à sortir. La c'est bouc à sortir. Ma malade, comme est malade.